Comment savoir si l'assassin de Jaurès était fou? Les attentats criminels commis par des terroristes au nom de telle ou telle cause morbide sont très souvent présentés par leurs avocats comme des actes perpétrés par des personnes souffrant de troubles psychiatriques afin de minimiser leurs responsabilités. Ce fut le cas pour Raoul Villain, qui assassina Jean Jaurès de deux coups de revolver le 31 juillet 1914, alors qu'il dînait dans un café proche du siège de l'Humanité. Commis trois jours avant l'entrée de la France dans la Première Guerre mondiale, ce meurtre mit un terme aux efforts désespérés que Jaurès avait entrepris pour empêcher la déflagration militaire en Europe. Avant de dire quelques mots sur la personnalité de Raoul Villain, il faut évidemment rappeler que ces criminels sont le plus souvent les bras armés des groupes extrémistes qui diffusent dans l'opinion des discours de haine. Depuis des années, la presse nationaliste emmenée par des propagandistes d'extrême droite comme Léon Daudet ou Charles Maurras s'était déchaînée contre les déclarations pacifistes de Jaurès, le désignant comme l'homme à abattre. Deux semaines avant son assassinat, l'un de ses agitateurs nationalistes alla même jusqu'à écrire dans l'Écho de Paris « Si, à la veille d'une guerre, le général qui commanderait de coller au mur le citoyen Jaurès et de lui mettre à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle, pensez-vous que ce général n'aurait pas fait son plus élémentaire devoir ?» La Première Guerre mondiale poussa au paroxysme cette haine à l'égard des pacifistes. Tant et si bien que, lors du procès de Raoul Villain, qui eut lieu en mars 1919, 11 jurés sur 12 décidèrent de l'acquitter. Parmi les arguments qu'avancèrent les avocats de Villain pour obtenir son acquittement, l'un des plus importants fut de prétendre qu'il s'agissait de l'acte d'un homme isolé atteint de troubles mentaux. Le père de Raoul Villain était greffier en chef au tribunal civil de Reims. Mais la défense mit en avant le fait que sa mère avait été internée à l'asile de Chalon-sur-Marne et sa grand-mère paternelle souffrait, elle aussi, de troubles cérébraux. C'est le jour de l'enterrement de cette grand-mère que Raoul Villain aurait crié « Il y a des gens qui font le jeu de l'Allemagne et qui méritent la mort ». Cette anecdote permit à ses défenseurs de faire le lien entre son projet d'assassiner Jaurès et des troubles psychiatriques héréditaires. Pourtant, une fiche de police avait noté qu'avant son service militaire, Raoul Villain était considéré comme un jeune homme très sérieux, très doux, bien éduqué. La thèse de la folie héréditaire était aussi invalidée par l'exemple de son frère aîné, Marcel Villain. Commis greffier, lieutenant aviateur pendant la guerre, il avait obtenu la Légion d'honneur pour ses faits d'armes. L'histoire de Villain ne s'arrête pas là. Exilé sur l'île d'Ibiza dans les années 30, il vivait reclus dans une zone isolée où les gens l'appelaient le loco del puerto, le fou du port. Il fut exécuté le 13 septembre 1936 pour espionnage au profit de l'armée franquiste par des anarchistes espagnols qui ignoraient peut-être qu'il s'agissait de l'assassin de Jean Jaurès.